y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bonjour, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. Cette semaine, c'est une émission entièrement en musique et ça débute avec Bien mérité de Clarica. La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Mon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature. Avec à mettre en France. Et tant pis pour ta gueule si t'es né sous les bombes. Bah ouais, tu l'as bien mérité. T'avais qu'à tomber du bon côté de la maponde. Bah ouais, tu l'as bien mérité. Si la terre est aride, y'a qu'à trouver de la flotte. Un peu de nerf mon gars pour la remplir ta hotte. Bah ouais, on prend pas un bateau si on sait pas nager. Bah non, on a que ce qu'on mérite alors t'as mérité. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Mon sang, c'est sûr. C'était Clarica dans Bien mérité. Ça ne va pas trop bien ces temps-ci quand on est immigrant, si on en France, particulièrement si on vient du Maghreb ou même de l'Afrique noire en général. Les Français ont accepté beaucoup d'Européens au 19e et même au 20e siècle, mais là, on dirait que c'est un peu plus difficile pour eux d'accepter des gens qui viennent qui n'ont pas tout à fait la peau comme eux. On poursuit avec Carmen Maria Vaga, Complainte du progrès. Et oui, c'est la chanson de Boris Vian, suivie de Iri Révolté dans la chanson Répression. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. passer, je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et vite dans le pilot, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, un des draps qui chauffe, un pistolet à gaufre, un avion pour deux et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire codasse, mon repas limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou et la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatineur dur et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, les feux sous poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait. Oh, chauffe ta batte, au canon à patate, allez ventre tomate, allez corche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Tes repas ça feront jamais cesser le combat. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Répression de l'État, répression de l'État. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Tes repas ça feront jamais cesser le combat. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Répression de l'État, répression de l'État. I know my clothes low, so I'm drinking my kleine Säckkaffee. Von dem ich die Bullen von der Motor relaxen seh. Plötzlich höre ich der Sohn von der Kamera. Mir blickt die Meldung, kriegt nichts raus, als einer da vorne wieder Graffiti sprüht. Von dem Attack von Volle, von Lacrimogen, ein Trafik. Invasion von der Vatelot, la Fusse, bei der Panik. Ein Prochain von den Jogget, dann mit der Maison, soll ich fatig. Cela est la tatique, la répression étatique. Une façon d'intimider les gens. Répression. Les clochards se font chasser sans raison. Répression. Aux militants, on leur fout la maison. Répression. On ferme la gueule, on se couche, on évite la répression. Wir haben nur Mark, statt Geld für Asylant. Répression. Stattdessen findet ihr lieber eure Informant. Répression. Der Staat macht weiter und verbrennt. On a peur mais on se laisse pas freiner. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Tes repas ça feront jamais cesser le combat. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Répression de l'État, répression de l'État. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Tes repas ça feront jamais cesser le combat. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Répression de l'État, répression de l'État. Ça me semble si loin. Une journée honorable, je ne crains rien. Mais je me fais contrôler sur mon propre chemin. Les mains contre le mur, un coup de pied contre mes chaussures. C'est la fin de ma bonne journée et je le sais que ça c'est sûr. I see a innocent man walking down by the street. Ready posted, boss a man a cover police. Them a pressure him with some ammunition and I see the aggression them a use to control the country. I take a second and think. Shouldn't go and fight with the freedom right. I'm a virgin. Then I go over to him and tell her the police if he stop fucking up on my brain. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Tes repères ça feront jamais cesser le combat. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Répression de l'État, répression de l'État. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Tes repères ça feront jamais cesser le combat. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi. Répression de l'État, répression de l'État. Who not just trust me, we are gonna tell you the truth. The bell video, just trust me, we are no afraid, I know. Kind of oppression, try to hold us down, just trust me. On sera toujours là, yeah. Ensemble on est les rebelles contre tout état. Just trust me, hey, hey. On va se libérer, we got to break free. Cause all of the rumors in the public, the everyday news that created panic. Them all confused, the people in them head. Government use paranoia as a threat. They're threatening the youth and they're threatening the old. The fearing is a

Je ne me souviens que de son chien qui n'avait rien, du cabot de concours au pédigré sans fin, l'air battu du bâtard qui ne paie pas de mine, mais qui dans les brouillards le chien allume ses rétines. Je me souviens de ce trottoir. Le chien urbain ne met pas de complet veston, il ne connaît des forêts que des bouts de carton. Il s'en va brodant le monde, de balade en ballon, le grand dans le petit, un quartier d'univers, un trognon d'infini. L'imaginaire se cueille, un homme s'est noyé, plus de désir dans l'œil. Les couleurs sont passées. Dans son habit de rien, il va brodant le monde. Les pensées vont plus loin. L'imaginaire se cueille, un homme s'est noyé. Plus de désir dans l'œil, mais les couleurs passées, il est si loin, le canal, que je me souviens petit à petit. Si banal le monsieur du canal que je ne me souviens que de son chien qui n'avait rien, du cabot de concours au pédigré sans fin, l'air battu du bâtard qui ne paie pas de mine, mais qui dans les brouillards le chien allume ses rétines. Je me souviens de ce trottoir. Citadin s'en va sans chapeau ni sac, il ne conçoit l'océan qu'en addition de flaques. Il s'en va brodant le monde, de balade en saison, le grand dans le petit, un quartier d'univers, un trognon d'infini. L'imaginaire se cueille, un homme s'est noyé, plus de désir dans l'œil. Les couleurs sont passées. C'était le monsieur du canal par Carpathe. Auparavant, c'était Les Croquants dans On n'est pas là pour se faire engueuler, une chanson de Boris Vian, réinterprétée de fort belle façon par Les Croquants. On va terminer cette première demi-heure de l'émission Le Grain de sable, tout en chanson cette semaine. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, avec Marie Cherrier dans Je m'appelle Billy, suivi de Debout sur le zinc avec Les Manigances. Voilà, Billy avec ses grenades, ses barricades, ses injures au monde entier. Mais Billy, la haine en rade, voilà la paillarde amoureuse à ce qui paraît. Surprise et prise en rage, le cœur en cache, se débat pour se délivrer. Billy, un champ de bataille d'un des tenailles, va s'abandonner. Je m'appelle notre regard, car tous mes haillons sont tombés. Billy, Billy qui chante, mais bien plus grand, bien plus vivant et chienne. Voilà Billy que tout endort, même l'aurore dans ce monde assommé. Et pour Billy, l'ennui, la la mort s'arrache alors au crayon bien taillé. Aujourd'hui le poing au vent, je défie le temps qu'il crève s'il passe. Parce que Billy ça pue l'arnaque, les jours m'attraquent pour que l'amour se casse. Je m'appelle Billy, ne mords pas un autre regard car tous mes haillons sont tombés. Billy, Billy qui chante, mais bien plus grand, bien plus vivant déjà. Je m'appelle Billy, c'est là encore un sang plus fort et tous mes haillons sont tombés. Billy, Billy qui chante, mais bien plus grand, bien plus vivant déjà. Billy, mes mots se barrent, je tiens plus l'histoire, mon amour est retombé. Ça s'enlève, je crois plus aux rêves et ma chanson disparaît. Je me sens vide, soudain mon ventre a faim, je veux le cœur à l'envers. Que retombent mes fringues, que tout redevienne dingue, je manque d'air. Billy, ne m'en pars un autre regard, car tous mes haillons sont tombés. Billy, Billy qui chante, mais bien plus grand, bien plus vivant déjà. Je m'appelle Billy, c'est là encore un sang plus fort et tous mes haillons sont tombés. Billy, Billy qui chante, mais bien plus grand, bien plus vivant déjà. Moi, j'ai brûlé bien des années dans cette quête. Elle a résisté, moi j'ai tout tenté pour la prendre, mais en vain. Le vent avait tourné à ses pieds, je suis tombé. Et si j'ai perdu connaissance, mon vieil orgueil ne m'a pas lâché, et je pense un jour viendra où, fort de mon talent, je lui ferai le mal que je sais. Et en attendant, je manigance. Je restais froid en tout lieu, en toutes circonstances. J'étais le roi quant à te gâter l'existence. Entre d'un seul regard et la nuit dans tes rêves, je te glaçais du froid. Mais aujourd'hui, pas le temps de t'en expliquer les raisons. Même si j'ai toujours une dent à disposition, le doute et

rafale rafole, cavale de flamme, fatale mongole, rafale la femme, rafale rafole, cavale de flamme, fatale mongole, rafale la femme, rafale rafole, cavale de flamme, fatale mongole, rafale la femme, rafale rafole. Neuve neige, neige plus blanche que page, neuve neige, neige plus blanche que rage, slave, slave, slave. Slap. Zazie dans les poupées Zarbi. On va poursuivre cette émission entièrement en chanson. C'est toujours l'émission Le Grain de Sable, l'émission spéciale cette semaine. On va poursuivre avec Yanis Odoua dans Rouge, Jaune, Vert, suivi de Mélismel, La Colère. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur pour mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs. Le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur pour mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. On place en premier le rouge qui montre que Rastafari bouge. Long dreadlocks ne veulent pas dire que ce sont des Rasta. On fait trop souvent l'amalgame entre Bambakou, les Rastamon. Représentants de Jah voudraient mieux respecter ça. On essaie de suivre ces lois qui ne sont pas si dures que ça. Robot que le tribe soon aille en bol, il y a de la place pour toi. Si tes intentions sont clean, c'est le bienvenu, installe-toi. Regarde bien qu'il n'y ait pas de combine, les loups sont partout à la fois. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur pour mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur pour mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. Deuxième position, le jaune symbole du soleil qui rayonne. Ici on son trône, sa magnificence impressionne. Vu tout l'amour qu'il nous donne, pour lui y'en a qui rigonne. Jusqu'à maintenant nous pardonne dans l'espoir qu'on se perfectionne. C'est peut-être le dernier rappel avant que tout déclenchonne. Plus de temps pour les querelles, y a plus de race, y a que des hommes. Sans un complexe excel, donc sont contents de ce qu'on leur en donne. L'argent et l'or ont leurs fidèles qui veulent en avoir des temps. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur pour mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. Mon père représente Zion pour une bonne méditation. Respecter la bonne des chances, l'évasion qui fonctionne. C'est normal d'enfermer les hommes, interdire tous les mobiles hommes. Sur la liberté, on se questionne en plein cœur de Babylone. Le père c'est aussi tout ce qu'il y a de naturel, non? Give me hybrid, drop of red. De l'action vers la rouge spirituelle, non? C'est notre remède, put it in my head. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur pour mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge en vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie de la bonne humeur pour mes soeurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. S'accroche à toi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. De figures de romans chevauchées sans fin. On se bat pour ne pas qu'elle engloutisse en vain. Les grands sages ont bien dit la faute est capitale. On ne la prend pour guide la colère comme étoile. Je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Quand elle prend le contrôle, inverse les rôles et fait trembler ma voix. Elle rend la colère, la douceur amère, elle ronge sa proie. Oh, combien de temps faudra-t-il avant qu'elle ouvre la voie? Elle retrouve un fuyard à sa traînée d'essence. Rien ne sert de courir, adieu mon innocence. Il me faudra choisir elle ou bien le silence. Je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Quand elle prend le contrôle, inverse les rôles et fait trembler ma voix. Elle rend la colère, la douceur amère, elle ronge sa proie. Oh, combien de temps faudra-t-il avant qu'elle ouvre la voie? Mélismel dans la chanson La colère. C'est déjà presque tout pour l'émission Les grains de sable cette semaine. Demeurez avec nous, puisqu'après la pause publicitaire, il y a les geeks contre-attaque. On a tout de même le temps d'écouter Cyrano dans Le prix des choses. Au revoir et bonne suite. Si je préfère aux charentaises des sandales un peu aérées, et que ce que mes parenthèses n'est qu'une parenthèse à aimer, si je n'ai pas pris plus d'élan, c'est que je savais où j'allais, que le sirop des charlatans, je n'en peux plus de l'avaler. Si ma foi tout est échangeable, qu'on doit louer sa dignité, vous saisirez que j'aime les fables, que je ne m'en vais plus voter. Car aucun d'eux, ma bonne dame, ne m'a soutenu quand j'avais le cul dans le pétrin. Moi je connais le prix du pain. Si je ne fréquente jamais toutes ces beuveries mondaines, où les perdants de cette année sont venus de l'année prochaine, picorer un peu de pain dur, de la farce et du fond de teint, c'est que je ne peux voir en peinture les cadres et les dresseurs de chiens. Si ma foi tout est excusable, qu'on peut vendre à l'apothicaire une âme bien raccommodable, ça n'a trop rien d'extraordinaire. Qu'aucun d'eux, ma bonne dame, je n'ai reconnu du temps où j'avais le cul dans la douleur. Moi je connais le prix du beurre. Si je n'entre dans les églises, dans les temples ou dans les mosquées, c'est que les promesses d'une bise s'envolent vite dans les bosquets. J'ai des principes mais pas de place pour la confesse en dimanche de tous les cons de la paroisse, regrettant leurs petits péchés. Si ma foi tout est pardonnable, qu'on peut racheter à l'autel une conscience de notable, ça n'a trop rien d'exceptionnel. Qu'aucun dieu, ma bonne dame, ne soit apparu quand j'avais le cul dans le chagrin. Moi je connais le prix du vin.